Ferrer, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Il y a encore les drôles de dames ou pas? C'est con, on va s'en. Eh non, ils sont barrés, tu les retiens pas, en plus tu les fâches. Mais oui, évidemment, tout le monde se casse. Toute personne en a absolument rien à foutre de ma séquence. D'accord, j'ai dû le mais retenir si, par les tous là, nos auditeurs. Jérôme Sillon, il écoute même pas, de toute façon, il lit ses mails. Daniel Riolo, je sais pas ce qu'il fait, il chat ou il est sur flirtasia.com. Je sache que j'ai un blog. Et... Mais ouais, mais évidemment, je le suis. Il bouffe à tous les ateliers. Ça ne sert à rien, Daniel, on va être taxé à 75%. À tous les ateliers. Ça, ah oui, pardon. À tous les ateliers, merci Frédéric Dehu. Non, mais c'est vrai que ça sert à rien. Pourquoi tu t'emmerdes? Ton salaire de RMC suffira largement, sinon tu vas être taxé par la gauche. Gauchiste, salopard. Excusez-moi. Donc, on a appris. Non, je vais aller vite parce que j'ai trois chansons aujourd'hui. C'est une spéciale chanson hein, pour rendre hommage notamment à un joueur qu'on a eu la semaine dernière et qui va pas très bien en ce moment au niveau de son club. C'est Aurélien Montaro, mais j'y reviendrai. Juste deux, trois petits trucs pour s'apercevoir qu'on a appris que Cocu donc, était devenu l'entraîneur du PSV. Déjà, on savait que Cocu c'était l'entraîneur du PSG aussi. Hein, parce que je sais pas si t'as vu les quatre derniers matchs, Olivier, mais je pense qu'on pourrait l'appeler Cocu, hein, Carlo Ancelotti. Parce que quand tu commences à t'en remettre à Guillaume Haro et à Siaka Tiene. Excusez-moi. Moi, je veux bien que ça soit une victoire à l'italienne, mais j'ai jamais vu les Italiens s'en remettre à ça. Mais bon, t'étais content hein, quand même. Non, alors, tu veux que je te dise sur le but de Gamero, j'ai pas bougé une oreille. Voilà, Olivier Dacour, on a appris que tu t'étais surnommé Oli t'es sûr que c'était pas c'était un surnom, t'es sûr que c'était pas un conseil qu'on te donnait, parce que déjà il paraît que t'étais un peu carbo à l'époque. Oli. Pauvre vieux, non, c'est pas vrai. Philippe Auclair, alors lui qui avait pas le droit de commenter, c'était un petit peu frustrant pour lui parce que le mec a un match d'Arsenal, il a pas le droit de crier, il est obligé de parler. Et Daniel lui a proposé de faire comme s'il était avec un pote au téléphone. Tu sais, alors t'imagines le mec qui dit allô Daniel, alors comment va ta mère? J'espère que ça va, ça se passe bien, j'espère qu'elle va bien, qu'elle va aussi vite que t'es au balcon sur le côté gauche pour le premier point de Thomas Percy. Oh là là, côté toujours 0-0 et elle se remet de sa sciatique sinon. Ah Jérôme, au fait, tu l'as vu le dernier film de Dujardin? Ah non, sacrée performance d'acteur, oh, une classe, il me fait un peu penser à cet acteur anglais. C'est Chamberlain qui passe entre les défenseurs dans la profondeur, Van Persie qui frappe et qui marque le but. Oh, Van Persie, incredible, un magistral fantastique. Et Bérénice Bejo est pas mal aussi à côté de lui. Bon, je sais pas si ça aurait marché, enfin bref. L'Olympique de Marseille, l'entraînement à huis clos. Alors, on nous a dit que l'entraînement était à huis clos. Franchement, l'Olympique de Marseille, je vois pas la différence entre, c'est d'habitude, c'est l'entraînement à huis clos d'eau. Parce que, à part une huitaine de clochards qui est à la recherche des restes de pizza d'André-Pierre Gignac, je vois pas qui va venir aux entraînements de l'Olympique de Marseille. C'est un peu la misère. On me dit que Valbuena était fatigué, Ayou était fatigué, Rémi il est fatigué, Brandao il est fatigant. C'est vrai que les pauvres, je sais pas comment ils vont s'en sortir. En tout cas, je voudrais quand même d'abord rendre hommage à un joueur. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des meilleurs arrière-gauche du monde. Vous avez parlé d'Abidal, vous avez pas parlé du meilleur arrière-gauche du monde. C'est moi le mec qu'on a quand même toujours soutenu à l'after. Celui quand même qu'on a oublié un nom, c'est un joueur qui illumine le stade. Ce qu'on appelle Roberto Carlos des temps modernes. Le Peps de Lizarazu, la classe de Maldini, la Vista de Brême, le Paul Breitner d'Abidjan. Daniel Riolo, le Paul Breitner d'Abidjan. Saka Tiene. Mais Saka Tiene, c'est quand même incroyable que ce nom ne vous ait pas venu à l'esprit en premier. Ce mec, on a toujours, ça fait des années qu'on le défend, Saka Tiene, qu'on dit que ce mec, eh ben voilà, il est numéro 9, il est numéro 6, il est peut-être un jour il sera arrière gauche, Saka Tiene. Il peut jouer tous les postes. Et tu sais que Coach Robis ne s'est toujours pas remis de voir Saka Tiene dans la surface de réparation hier à Dijon. Ah, il paraît que quand il a vu la réparation, il a dit, eh merde. Voilà, enfin bon, tu poseras la question. Il a marqué quand même, t'étais content. Moi, j'ai pas bougé une oreille sur son but. Vraiment, mais pas bougé une oreille. Donc, je voudrais donc faire mes petites chansons. D'abord, une chanson pour Aurélien Montaro, qui était là la semaine dernière, à qui j'avais promis d'en faire une. Et comme c'est un joueur qui revient en France, hein, après avoir un grand passage en Biélorussie, je voudrais lui faire une chanson un peu terroir avec Georges Brassens. Attention, c'est parti. Tu coules ta bielle en Biélorussie, toi coules ta belle, la coulette aussi. Mais quand on short au football, en dessous de moins 20 degrés, ça fait les bonbons qui collent un petit peu au papier. Il est tout en bois, ton petit chez vous, comme ton championnat. Et alors du coup, tu t'es dit à quand la gloire, mes chéris, allons-nous-en. S'il nous reste un espoir, c'est la gloire à Caen. Aurélien Montaro, tu vivais heureux, t'aurais jamais dû te barrer de l'Oural. Aurélien Montaro, tu vivais heureux, t'aurais jamais dû venir chez les bouses. Adieu l'air glaciaire et les stalactites qui pendent comme des vers au bord de la marmite. Adieu aux six jolies blondes, aux jambes qui nous font voir double et nous font le tour du monde. Pour un peu moins de 100 roubles, maintenant tu galères au stade Malherbe. Ça sent le camembert, les vaches et puis l'herbe. Mais sans te casser le moral, si tu renifles un peu mieux, derrière l'odeur du calva, ça sent la Ligue 2. Aurélien Montard, où tu vivais heureux, t'aurais jamais dû t'éloigner de l'Oural. Aurélien Montard, où tu vivais heureux, t'aurais jamais dû venir chez les bouses. C'est vrai, c'est une des meilleures. Je craque. Je craque. Il y a très très longtemps qu'on n'avait pas eu ce niveau là. Excusez-moi, c'est bon, c'est fini. Arrête le cauchemar. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu ce niveau là. Le pauvre, attends, bon, bravo. Merci. J'ai le temps d'une dernière ou pas? Une dernière sur. Bien sûr. Ouais, on fait tellement peu de foot européen que tu peux te régaler maintenant. Alors, pour Polo maintenant. J'ai deux frères. Et celle-là, tu l'as dédié à Polo. Pour Polo Breitner. La synthèse de la Bundesliga, pour lui, ça n'a été que Podolski peut-être à Arsenal. Si vous voulez, j'en ai une sur. Faut juste taper dans les mains, c'est A Cappella. C'est pas un joueur italien, A Cappella, je chante sans musique. C'est pas la femme de Capello. Voilà, c'est pas la femme de Capello. Oui. Et donc, attention, c'est sur Julien Clerc, c'est pour un joueur pas assez reconnu pour moi au Barça. Attention, 3, 4. Iniesta Vredis du Barça a les pieds tout crochus. Il tripote la balle, il agace et file droit vers le but. D'une pichenette à juste sa passe pour Villa qui l'a vu. On dirait un genre de Valbuena, mais le talent en plus. Dribbler comme ça, c'est défendu. Oh, c'est indécent. Une passe à l'aveugle d'un pointu, pas où tu l'attends. Le Real s'est tout déglandu face à ce géant. Le soleil lui brille dessus, même s'il est tout blanc. Iniesta Vredis du Barça, pas assez reconnu. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Guardiola me tue. Oh, ça c'est pas Messi. Mais sans lui, Messi c'est nu. Allez. Oh, ça c'est pas Messi. Mais sans lui, Messi c'est nu. Allez, merci. Et personne n'a applaudi. Merci les gars, solidarité. Bravo. Bon. Tu as le temps encore, si tu veux faire une troisième. Comme c'était moins bien, tu vois, c'est moins bien. Mais si tu m'aides pas, t'es enfoiré. Non mais l'autre, il est là, il donne des blagues, t'es pas la nouvelle star, mec. Non mais t'es Julien Clerc, je suis pas sûr qu'il ait déjà eu cet accent. Non, je pense que tu peux faire. Non, comme je sais pas faire Julien Clerc, j'ai fait un truc un peu The Voice. The Voice. Ouais, c'est pas The Voice. Alors, tourne-toi, c'est l'heure. Alors, tu te tournes, Daniel. The Voice. Tu te rappelles l'autre, il est lesté. Ah, celui-là. Pour moi, The Voice, c'est Sinatra. Allez, c'est bon, j'en ai une dernière. Pour deux on frangins. Après, Daniel. Pour deux frangins qui sont à l'Olympique de Marseille et qui méritent quand même le respect. Attends, est-ce que je me rappelle? Ouais, vas-y. C'est parti. Hey! C'est du lourd. Moi, je suis pas ta la, ta ta la, ta ta. Moi je connais deux frangins qui jouent à la commanderie et font du soir au matin des gens, des petits pans, des râteaux, des gris-gris. On dirait qu'on a cloné leur père à Béli Pelé, trois pelés et un tendu. Qu'est-ce que vous voulez plus? Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Faut pas les chauffer, ils peuvent les casser les reins en un seul crochet. Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Si t'as pas assez dans ton porte-monnaie, ils vont finir par se casser. Si Fergie fait coupe. Putain, je suis pas du tout en rythme. Il faut la répéter un petit peu quand même, hein, Julien. Mais la jamais. Frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, frère Ayou, lélé. Si t'as pas assez dans ton porte-monnaie, ils vont finir par se casser. C'est de talent du Ghana, au-dessus de la normale. Non, c'est pas du tout ça. Là. Bon, je la retravaillerai parce que je suis pas du tout en rythme. Tu la retravailles sur la semaine prochaine. Je suis en décalage. Pour la semaine prochaine. En tout cas, les frères Ayou, ils auront leur chanson, c'est promis, les gars.